Section 10. Quatrième partie. Livre quatrième. Château des rois de Bohême. Première entrevue avec Charles X. Monsieur le Dauphin. Les enfants de France. Le duc et la duchesse de Guiche. Triumvirat. Mademoiselle. Conversation avec le roi. Henri V. Dîner et soirée à Hartschin. Visite. Musée. Général Skrzyneki. Dîner chez le comte de Chotek. Pentecôte. Le duc de Blacas. Incidence. Tycho Brahe. Perdita, suite des incidences. De la Bohème. Littérature slave et néo-latine. Je prends congé du roi. Adieu. Lettre des enfants à leur mère. Un juif. La servante saxonne. Ce que je laisse à Prague. Le duc de Bordeaux. Madame la Dauphine. Incidence. Source. Eau minérale. Souvenirs historiques. Vallée de la Teple. Sa flore. Dernières conversations avec la Dauphine. Départ. Entré à Prague le 24 mai, à 7 heures du soir, je descendis à l'hôtel des Bains, dans la vieille ville bâtie sur la rive gauche de la Moldao. J'écrivis un billet à M. le duc de Blacas pour l'avertir de mon arrivée. Je reçus la réponse suivante. « Si vous n'êtes pas trop fatigué, monsieur le vicomte, le roi sera charmé de vous recevoir dès ce soir à 9h15. Mais si vous désirez vous reposer, ce serait avec grand plaisir que sa majesté vous verrait demain matin à 11h30. Agréez, je vous prie, mes compliments les plus empressés. Ce vendredi 24 mai à 7h, Blacas d'Olps. » Je ne crus pas pouvoir profiter de l'alternative qu'on me laissait. À 9h30 du soir, je me mis en marche. Un homme de l'auberge, sachant quelques mots de français, me conduisit. Je gravis des rues silencieuses, sombres, sans réverbères, jusqu'au pied de la haute colline que couronne l'immense château des rois de Bohême. L'édifice dessinait sa masse noire sur le ciel. Aucune lumière ne sortait de ses fenêtres. Il y avait là quelque chose de la solitude, du site et de la grandeur du Vatican ou du temple de Jérusalem vu de la vallée de Josaphat. On n'entendait que le retentissement de mes pas et ceux de mon guide. J'étais obligé de m'arrêter par intervalles sur les plateformes des pavés échelonnés tant la pente était rapide. À mesure que je montais, je découvrais la ville au-dessous, les enchaînements de l'histoire, le sort des hommes, la destruction des empires, les desseins de la Providence se présentaient à ma mémoire en s'identifiant au souvenir de ma propre destinée. Après avoir exploré des ruines mortes, j'étais appelé au spectacle des ruines vivantes. Parvenu au plateau sur lequel est bâti Hartschin, nous traversâmes un poste d'infanterie dont le corps de garde avoisinait le guichet extérieur. Nous pénétrâmes par ce guichet dans une cour carrée, environnée de bâtiments uniformes et déserts. Nous enfilâmes à droite, au rez-de-chaussée, un long corridor qu'éclairait de loin en loin des lanternes de verre accrochées aux parois du mur, comme dans une caserne ou dans un couvent. Au bout de ce corridor s'ouvrait un escalier, au pied duquel se promenaient 2 sentinelles. Comme je montais le 2nd étage, je rencontrai M. de Blacas qui descendait. J'entrai avec lui dans les appartements de Charles X. Là étaient encore 2 grenadiers en faction. Cette garde étrangère, ses habits blancs à la porte du roi de France, me faisait une impression pénible. L'idée d'une prison plutôt que d'un palais me vint. Nous passâmes 3 salles à nuitée et presque sans meubles. Je croyais errer encore dans le terrible monastère de l'Escurial. Monsieur de Blacas me laissa dans la 3e salle pour avertir le roi, avec la même étiquette qu'aux Tuileries. Il revint me chercher, m'introduisit dans le cabinet de sa majesté et se retira. Charles X s'approcha de moi, me tendit la main avec cordialité en me disant « Bonjour, bonjour, monsieur de Chateaubriand, je suis charmé de vous voir. Je vous attendais. Vous n'auriez pas dû venir ce soir, car vous devez être bien fatigué. Ne restez pas debout. Asseyons-nous. Comment se porte votre femme ?» Rien ne brise le cœur comme la simplicité des paroles dans les hautes positions de la société et les grandes catastrophes de la vie. Je me mis à pleurer comme un enfant. J'avais peine à étouffer avec mon mouchoir le bruit de mes larmes. Toutes les choses hardies que je m'étais promis de dire, toute la vaine et impitoyable philosophie dont je comptais armer mes discours, me manqua. Moi, devenir le pédagogue du malheur. Moi, osez en remontrer à mon roi en cheveux blancs, à mon roi proscrit, exilé, prêt à déposer sa dépouille mortelle dans la terre étrangère. » Mon vieux prince me prit de nouveau par la main en voyant le trouble de cet impitoyable ennemi, de ce dur opposant des ordonnances de juillet. Ses yeux étaient humides. Il me fit asseoir à côté d'une petite table de bois sur laquelle il y avait deux bougies. Il s'assit auprès de la même table, penchant vers moi sa bonne oreille pour mieux m'entendre, m'avertissant ainsi de ces années qui venaient mêler leurs infirmités communes aux calamités extraordinaires de sa vie. Il m'était impossible de retrouver la voie en regardant dans la demeure des empereurs d'Autriche le 68e roi de France, courbé sous le poids de ses règnes et de 76 années. De ces années, 24 s'étaient écoulées dans l'exil, 5 sur un trône chancelant. Le monarque achevait ses derniers jours dans un dernier exil, avec le petit-fils dont le père avait été assassiné et de qui la mère était captive. Charles X, pour rompre ce silence, m'adressa quelques questions. Alors j'expliquai brièvement l'objet de mon voyage. Je me dis porteur d'une lettre de Madame la Duchesse de Berry adressée à Madame la Dauphine, dans laquelle la prisonnière de Blaye confiait le soin de ses enfants à la prisonnière du Temple, comme ayant la pratique du malheur. J'ajoutai que j'avais aussi une lettre pour les enfants. Le roi me répondit « Ne la leur remettez pas, ils ignorent en partie ce qui est arrivé à leur mère. Vous me donnerez cette lettre. Au surplus, nous parlerons de tout cela demain à 2 heures. Allez vous coucher. Vous verrez mon fils et les enfants à 11 heures et vous dînerez avec nous. » Le roi se leva, me souhaita une bonne nuit et se retira. Je sortis. Je rejoignis M. de Blacas dans le salon d'entrée. Le guide m'attendait sur l'escalier. Je retournai à mon auberge, descendant les rues sur les pavés glissants, avec autant de rapidité que j'avais mis de lenteur à les monter. Prague, 25 mai 1833. Le lendemain, 25 mai, je reçus la visite de M. le comte de Cossé, logé dans mon auberge. Il me raconta les brouilleries du château relatives à l'éducation du duc de Bordeaux. À 10h30, je montai à Archin. Le duc de Guiche m'introduisit chez M. le dauphin. Je le trouvai vieilli et amaigri. Il était vêtu d'un habit bleu râpé, boutonné jusqu'au menton, et qui, trop large, semblait acheté à la friperie. Le pauvre prince me fit une extrême pitié. Monsieur le dauphin a du courage. Son obéissance à Charles X l'a seul empêché de se montrer à Saint-Cloud et à Rambouillet tel qu'il s'était montré à Chiclana. Sa sauvagerie en est augmentée. Il supporte avec peine la vue d'un nouveau visage. Il dit souvent au duc de Guiche « Pourquoi êtes-vous ici? Je n'ai besoin de personne. Il n'y a pas de trou de souris assez petit pour me cacher. » Il a dit encore plusieurs fois « Qu'on ne parle pas de moi, qu'on ne s'occupe pas de moi. Je ne suis rien, je ne veux rien être. J'ai 20 000 francs de rente, c'est plus qu'il ne me faut. Je ne dois songer qu'à mon salut et à faire une bonne fin. » Il a dit encore « Si mon neveu avait besoin de moi, je le servirais de mon épée. » Mais j'ai signé contre mon sentiment mon abdication pour obéir à mon père. Je ne la renouvellerai pas. Je ne signerai plus rien. Qu'on me laisse en paix. Ma parole suffit. Je ne mens jamais. » Et c'est vrai. Sa bouche n'a jamais proféré un mensonge. Il lit beaucoup. Il est assez instruit même dans les langues. Sa correspondance avec M. de Villèle pendant la guerre d'Espagne a son prix. Et sa correspondance avec Madame la Dauphine, interceptée et insérée dans le Moniteur, le fait aimer. Sa probité est incorruptible. Sa religion est profonde. Sa piété filiale s'élève jusqu'à la vertu. Mais une invincible timidité ôte au dauphin l'emploi de ses facultés. Pour le mettre à l'aise, j'évitais de l'entretenir de politique et ne manquis que de la santé de son père. C'est un sujet sur lequel il ne tarit point. La différence du climat d'Édimbourg et de Prague, la goutte prolongée du roi, les eaux de Teplitz que le roi allait prendre, le bien qu'il en éprouverait, voilà le texte de notre conversation. Monsieur le dauphin veille sur Charles X comme sur un enfant. Il lui baise la main quand il s'en approche, s'informe de sa nuit, ramasse son mouchoir, parle haut pour s'en faire entendre, l'empêche de manger ce qui l'incommoderait, lui fait mettre ou ôter une redingote selon le degré de froid ou de chaud, l'accompagne à la promenade et le ramène. Je n'eus garde de parler d'autre chose. Des journées de juillet, de la chute d'un empire, de l'avenir de la monarchie. Mot. Voilà 11 heures, me dit-il, vous allez voir les enfants. Nous nous retrouverons à dîner. Conduit à l'appartement du gouverneur, les portes s'ouvrent. Je vois le baron de Damas avec son élève, madame de Gontaut avec mademoiselle, monsieur Barande, monsieur Lavillatte et quelques autres dévoués serviteurs. Tout le monde debout. Le jeune prince effarouché me regardait de côté, regardait son gouverneur comme pour lui demander ce qu'il avait à faire, de quelle façon il fallait agir dans ce péril ou comme pour obtenir la permission de me parler. Mademoiselle souriait d'un demi-sourire avec un air timide et indépendant. Elle semblait attentive aux faits et gestes de son frère. Madame de Gontaut se montrait fière de l'éducation qu'elle avait donnée. Après avoir salué les deux enfants, je m'avançai vers l'orphelin et je lui dis « Henri V, me veut-il permettre de déposer à ses pieds l'hommage de mon respect ? Quand il sera remonté sur son trône, il se souviendra peut-être que j'ai eu l'honneur de dire à son illustre mère « Madame, votre fils est mon roi. Ainsi, j'ai le premier proclamé Henri V, roi de France, et un jury français en m'acquittant a laissé subsister ma proclamation « Vive le roi !» L'enfant, ébouriffé de s'entendre saluer roi, de m'entendre lui parler de sa mère dont on ne lui parlait plus, recula jusque dans les jambes du baron de Damas, en prononçant quelques mots accentués mais presque à voix basse. Je dis à monsieur de Damas « Monsieur le baron, mes paroles semblent étonner le roi. Je vois qu'il ne sait rien de sa courageuse mère et qu'il ignore ce que ses serviteurs ont quelquefois le bonheur de faire pour la cause de la royauté légitime. » Le gouverneur me répondit « On apprend à monseigneur ce que de fidèles sujets comme vous, monsieur le vicomte. » Il n'acheva pas sa phrase. Monsieur de Damas se hâta de déclarer que le moment des études était arrivé. Il m'invita à la leçon d'équitation à 4 heures. J'allais faire une visite à madame la duchesse de Guiche, logée assez loin de là dans une autre partie du château. Il fallait près de 10 minutes pour s'y rendre de corridor en corridor. Ambassadeur à Londres, j'avais donné une petite fête à madame de Guiche, alors dans tout l'éclat de sa jeunesse, suivie d'un peuple d'adorateurs. À Prague, je la trouvais changée, mais l'expression de son visage me plaisait mieux. Sa coiffure lui seyait à ravir, ses cheveux, nattés en petites tresses, comme ceux d'une odalisque ou d'une médaille de Sabine, se festonnaient en bandeaux des deux côtés de son front. La duchesse et le duc de Guiche représentaient à Prague la beauté enchaînée à l'adversité. Madame de Guiche était instruite de ce que j'avais dit au duc de Bordeaux. Elle me raconta qu'on voulait éloigner M. Barande, qu'il était question d'appeler des jésuites, que M. de Damas avait suspendu mais non abandonné ses desseins. Il existait un triumvirat composé du duc de Blacas, du baron de Damas et du cardinal de Latil. Ce triumvirat tendait à s'emparer du règne futur en isolant le jeune roi, en l'élevant dans des principes et par des hommes antipathiques à la France. Le reste des habitants du château cabalait contre le triumvirat. Les enfants eux-mêmes étaient à la tête de l'opposition. Cependant, l'opposition avait différentes nuances. Le parti Gontaut n'était pas tout à fait le parti Guiche. La marquise de Bouillé, transfuge du parti Berry, se rangeait du côté du triumvirat avec l'abbé Moligny. Madame la Dauphine, placée à la tête des impartiaux, n'était pas précisément favorable au parti de la jeune France, représenté par M. Barande. Mais comme elle gâtait le duc de Bordeaux, elle penchait souvent de son côté et le soutenait contre son gouverneur. Madame d'Agoult, dévouée corps et âme au triumvirat, n'avait d'autre crédit auprès de la Dauphine que celui de la présence et de l'importunité. Après avoir fait ma cour à madame de Guiche, je me rendis chez madame de Gontaut. Elle m'attendait avec la princesse Louise. Mademoiselle rappelle un peu son père. Ses cheveux sont blonds, ses yeux bleus ont une expression fine. Petite pour son âge, elle n'est pas aussi formée que la représentent ses portraits. Toute sa personne est un mélange de l'enfant, de la jeune fille et de la princesse. Elle regarde, baisse les yeux, sourit avec une coquetterie naïve mêlée d'art. On ne sait si on doit lui dire des contes de fées, lui faire une déclaration ou lui parler avec respect comme à une reine. La princesse Louise joint au talent d'agrément beaucoup d'instruction. Elle parle anglais et commence à savoir bien l'allemand. Elle a même un peu d'accent étranger et l'exil se marque déjà dans son langage. Madame de Gontaut me présenta à la sœur de mon petit roi, Innocents fugitifs, ils avaient l'air de deux gazelles cachées parmi des ruines. Mademoiselle Vachon, sous-gouvernante, fille excellente et distinguée, arriva. Nous nous assîmes et Madame de Gontaut me dit « Nous pouvons parler, mademoiselle sait tout. Elle déplore avec nous ce que nous voyons. » Mademoiselle me dit aussitôt « Oh, Henri a été bien bête ce matin, il avait peur. Grand-papa nous avait dit « Devinez, qui vous verrez demain, c'est une puissance de la terre. » Nous avions répondu « Eh bien, c'est l'empereur. » « Non, a dit grand-papa, nous avons cherché, nous n'avons pas pu deviner. Il a dit « C'est le vicomte de Châteaubriand. » Je me suis tapé le front pour n'avoir pas deviné. Et la princesse se frappait le front, rougissant comme une rose, souriant spirituellement avec ses beaux yeux tendres et humides. Je mourais de la respectueuse envie de baiser sa petite main blanche. Elle a repris « Vous n'avez pas entendu ce que vous a dit Henri quand vous lui avez recommandé de se souvenir de vous. Il a dit « Oh oui, toujours !» Mais il l'a dit si bas. Il avait peur de vous et il avait peur de son gouverneur. Je lui faisais des signes, vous avez vu. Vous serez plus content ce soir. Il parlera. Attendez. » Cette sollicitude de la jeune princesse pour son frère était charmante. Je devenais presque criminel de lèse-majesté. Mademoiselle le remarquait, ce qui lui donnait un maintien de conquête d'une grâce toute gentille. Je la tranquillisais sur l'impression que m'avait laissée Henri. « J'étais bien contente, me dit-elle, de vous entendre parler de maman devant Monsieur de Damas. Sortira-t-elle bientôt de prison ?» On sait que j'avais une lettre de Madame la Duchesse de Berry pour les enfants. Je ne leur en parlais point parce qu'ils ignoraient les détails postérieurs à la captivité. Le roi m'avait demandé cette lettre. Je crus qu'il ne m'était pas permis de la lui donner et que je devais la porter à Madame la Dauphine, à laquelle j'étais envoyée, et qui prenait alors les eaux à Carlsbad. Madame de Gontaut me redit ce que m'avait dit M. de Cossé et Madame de Guiche. Mademoiselle gémissait avec un sérieux d'enfant. Sa gouvernante avait parlé du renvoi de M. Barande et de l'arrivée probable d'un jésuite. La princesse Louise croisa les mains et dit en soupirant « Ce sera bien impopulaire !» Je ne pus m'empêcher de rire. Mademoiselle se prit à rire aussi, toujours en rougissant. Quelques instants me restaient avant l'audience du roi. Je remontai en calèche et j'allai chercher le grand burgrave, le comte de Chautec. Il habitait une maison de campagne à une demi-lieue hors de la ville, du côté du château. Je le trouvai chez lui et le remerciai de sa lettre. Il m'invita à dîner pour le lundi 27 mai. Revenu au château à 2 heures, je fus introduit comme la veille auprès du roi par M. de Blacas. Charles X me reçut avec sa bonté accoutumée et cette élégante facilité de manière que les années rendent plus sensible en lui. Il me fit asseoir de nouveau à la petite table. Voici le détail de notre conversation. « Sire, Madame la Duchesse de Berry m'a ordonné de venir vous trouver et de présenter une lettre à Madame la Dauphine. J'ignore ce que contient cette lettre, bien qu'elle soit ouverte. Elle est écrite au citron, ainsi que la lettre pour les enfants. Mais dans mes 2 lettres de créance, l'une ostensible, l'autre confidentielle, Marie-Caroline m'explique sa pensée. Elle remet, pendant sa captivité, comme je l'ai dit hier à votre majesté, ses enfants sous la protection particulière de Madame la Dauphine. Madame la Duchesse de Berry me charge en outre de lui rendre compte de l'éducation de Henri V, que l'on appelle ici le duc de Bordeaux. Enfin, Madame la Duchesse de Berry déclare qu'elle a contracté un mariage secret avec le comte Hector Lucchesi-Palli, d'une famille illustre. Ces mariages secrets de princesses, dont il y a plusieurs exemples, ne les privent pas de leurs droits. Madame la Duchesse de Berry demande à conserver son rang de princesse française, la régence et la tutelle. Quand elle sera libre, elle se propose de venir à Prague, embrasser ses enfants et mettre ses respects aux pieds de votre majesté. Le roi me répondit sévèrement, je tirai ma réplique, tant bien que mal, d'une récrimination. Que votre majesté me pardonne, mais il me semble qu'on lui a inspiré des préventions. Monsieur de Blacas doit être l'ennemi de mon auguste cliente. Charles X m'interrompit, non, mais elle l'a traité mal, parce qu'il l'empêchait de faire des sottises, de folles entreprises. Il n'est pas donné à tout le monde, répondis-je, de faire des sottises de cette espèce. Henri IV se battait comme Madame la Duchesse de Berry, et comme elle, il n'avait pas toujours assez de force. « Sire, continuai-je, vous ne voulez pas que Madame de Berry soit princesse de France. Elle le sera malgré vous. Le monde entier l'appellera toujours la Duchesse de Berry. l'héroïque mère de Henri V. Son intrépidité et ses souffrances dominent tout. Vous ne pouvez pas, à l'instar du duc d'Orléans, vouloir flétrir du même coup les enfants et la mère. Vous est-il donc si difficile de pardonner à la gloire d'une femme ? Eh bien, monsieur l'ambassadeur, dit le roi avec une emphase bienveillante, que madame la duchesse de Berry aille à Palerme, qu'elle y vive maritalement avec monsieur Lucchesi, à la vue de tout le monde. Alors on dira aux enfants que leur mère est mariée, elle viendra les embrasser. Je sentis que j'avais poussé assez loin l'affaire. Les principaux points étaient aux trois quarts obtenus. La conservation du titre et l'admission à Prague dans un temps plus ou moins éloigné. Sûr d'achever mon ouvrage avec madame la dauphine, je changeai la conversation. Les esprits entêtés regimbent contre l'insistance. Auprès d'eux, on gâte tout en voulant tout emporter de haute lutte. Je passai à l'éducation du prince dans l'intérêt de l'avenir. Sur ce sujet, je fus peu compris. La religion a fait de Charles X un solitaire. Ses idées sont cloîtrées. Je glissai quelques mots sur la capacité de M. Barrande et l'incapacité de M. de Damas. Le roi me dit « M. Barrande est un homme instruit, mais il a trop de besogne. Il avait été choisi pour enseigner les sciences exactes au duc de Bordeaux et il enseigne tout, histoire, géographie, latin. » J'avais appelé l'abbé McCarthy afin de partager les travaux de M. Barrande. Il arrivera bientôt. Ces paroles me firent frémir, car le nouvel instituteur ne pouvait être évidemment qu'un jésuite remplaçant un jésuite. Que dans l'état actuel de la société en France, l'idée de mettre un disciple de Loyola auprès de Henri V fût seulement entrée dans la tête de Charles X, il y avait de quoi désespérer de la race. Quand je fus revenu de mon étonnement, je dis « Le roi ne craint-il pas sur l'opinion l'effet d'un instituteur choisi dans les rangs d'une société célèbre, mais calomnié ?» Le roi s'écria « Va, en sont-ils encore aux jésuites ?» Je parlai au roi des élections et du désir qu'avaient les royalistes de connaître sa volonté. Le roi me répondit « Je ne puis dire à un homme prêter serment contre votre conscience. Ceux qui croient devoir le prêter agissent sans doute à bonne intention. » Je n'ai, mon cher ami, aucune prévention contre les hommes. Peu importe leur vie passée, lorsqu'ils veulent sincèrement servir la France et la légitimité. Les républicains m'ont écrit à Édimbourg. J'ai accepté, quant à leur personne, tout ce qu'ils me demandaient. Mais ils ont voulu m'imposer des conditions de gouvernement. Je les ai rejetées. Je ne céderai jamais sur les principes. Je veux laisser à mon petit-fils un trône plus solide que n'était le mien. Les Français sont-ils aujourd'hui plus heureux et plus libres qu'ils ne l'étaient avec moi ? Payent-ils moins d'impôts ? Quelle vache à lait que cette France ! Si je m'étais permis le quart des choses que s'est permise, monsieur le duc d'Orléans, que de cris, de malédictions ! Ils conspiraient contre moi, ils l'ont avoué. J'ai voulu me défendre. Le roi s'arrêta comme embarrassé dans le nombre de ses pensées et par la crainte de dire quelque chose qui me blessa. Tout cela était bien, mais qu'entendait Charles X par les principes ? S'était-il rendu compte de la cause des conspirations vraies ou fausses ourdies contre son gouvernement ? Il reprit, après un moment de silence, « Comment se portent vos amis, les Bertins ? Ils n'ont pas à se plaindre de moi, vous le savez. Ils sont bien rigoureux envers un homme banni qui ne leur a fait aucun mal, du moins que je sache. Mais mon cher, je n'en veux à personne, chacun se conduit comme il l'entend. » Cette douceur de tempérament, cette mansuétude chrétienne chez un roi chassé et calomnié, me firent venir les larmes aux yeux. Je voulus dire quelques mots de Louis-Philippe. « Ah ! Répondit le roi. Monsieur le duc d'Orléans ? Il a jugé. Que voulez-vous ? Les hommes sont comme ça. » Pas un mot amer, pas un reproche, pas une plainte ne put sortir de la bouche du vieillard trois fois exilé. Et cependant, des mains françaises avaient abattu la tête de son frère, et percer le cœur de son fils, tant ses mains ont été pour lui remémoratrices et implacables. Je louai le roi de grand cœur et d'une voix émue. Je lui demandai s'il n'entrait point dans ses intentions de faire cesser toutes ses correspondances secrètes, de donner congé à tous ses commissaires qui, depuis 40 années, trompent la légitimité. Le roi m'assura qu'il était résolu à mettre un terme à ces impuissantes tracasseries. Il avait, disait-il, déjà désigné quelques personnes graves, au nombre desquelles je me trouvais, pour composer en France une sorte de conseil propre à l'instruire de la vérité. M. de Blacasse m'expliquerait tout cela. Je priai Charles X d'assembler ses serviteurs et de m'entendre. Il me renvoya à M. de Blacas. J'appelai la pensée du roi sur l'époque de la majorité de Henri V. Je lui parlai d'une déclaration à faire alors comme d'une chose utile. Le roi, qui ne voulait point intérieurement de cette déclaration, m'invita à lui en présenter le modèle. Je répondis avec respect, mais avec fermeté, que je ne formulerais jamais une déclaration au bas de laquelle mon nom ne se trouva pas au-dessous de celui du roi. Ma raison était que je ne voulais pas prendre sur mon compte les changements éventuels introduits dans un acte quelconque par le prince de Metternich et par M. de Blacas. Je représentai au roi qu'il était trop loin de la France, qu'on aurait le temps de faire deux ou trois révolutions avant qu'il en fût informé à Prague. Le roi répliqua que l'empereur l'avait laissé libre de choisir le lieu de sa résidence dans tous les États autrichiens, le royaume de Lombardie excepté. Mais, ajouta Sa Majesté, les villes habitables en Autriche sont toutes à peu près à la même distance de France. À Prague, je suis logé pour rien et ma position m'oblige à ce calcul. Noble calcul que celui-là pour un prince qui avait joui pendant 5 ans d'une liste civile de 20 millions, sans compter les résidences royales. Pour un prince qui avait laissé à la France la colonie d'Alger et l'ancien patrimoine des Bourbons, évalué de 25 à 30 millions de revenus. Je dis, « Sire, vos fidèles sujets ont souvent pensé que votre royale indigence pouvait avoir des besoins. Ils sont prêts à se cotiser, chacun selon sa fortune, afin de vous affranchir de la dépendance de l'étranger. » « Je crois, mon cher Chateaubriand, dit le roi en riant, que vous n'êtes guère plus riche que moi. Comment avez-vous payé votre voyage ?»« Sire, il m'eût été impossible d'arriver jusqu'à vous si Madame la Duchesse de Berry n'avait donné l'ordre à son banquier, M. Jauge, de me compter 6 000 francs. »« C'est bien peu, s'écria le roi. Avez-vous besoin d'un supplément ?»« Non, sire, je devrais même, en m'y prenant bien, rendre quelque chose à la pauvre prisonnière, mais je ne sais guère regretter. »« Vous étiez un magnifique seigneur à Rome ?» J'ai toujours mangé consciencieusement ce que le roi m'a donné, il ne m'en est pas resté 2 sous. Vous savez que je garde toujours à votre disposition votre traitement de père, vous n'en avez pas voulu. Non, sire, parce que vous avez des serviteurs plus malheureux que moi. Vous m'avez tiré d'affaire pour les 20 000 francs qui me restaient encore de dette sur mon ambassade de Rome, après les 10 000 autres que j'avais empruntés à votre grand ami, monsieur Lafitte. Je vous les devais, dit le roi. Ce n'était pas même ce que vous aviez abandonné de vos appointements en donnant votre démission d'ambassadeur, qui, par parenthèse, m'a fait assez de mal. Quoi qu'il en soit, sire, dû ou non, votre majesté, en venant à mon secours, m'a rendu dans le temps service, et moi je lui rendrai son argent quand je pourrai. Mais pas à présent, car je suis gueux comme un rat. Ma maison rue d'enfer n'est pas payée. Je vis pêle-mêle avec les pauvres de Madame de Chateaubriand en attendant le logement que j'ai déjà visité à l'occasion de votre majesté chez M. Gisquet. Quand je passe par une ville, je m'informe d'abord s'il y a un hôpital. S'il y en a un, je dors sur les 2 oreilles. Le vivre et le couvert, en faut-il davantage? Oh, ça ne finira pas comme ça. Combien Chateaubriand vous faudrait-il pour être riche? Sire, vous y perdriez votre temps. Vous me donneriez 4 millions ce matin, que je n'aurai pas un patard ce soir. » Le roi me secoua l'épaule avec la main, à la bonne heure. « Mais à quoi diable mangez-vous votre argent ?»« Ma foi, sire, je n'en sais rien, car je n'ai aucun goût et ne fais aucune dépense. C'est incompréhensible. Je suis si bête qu'en entrant aux affaires étrangères, je ne voulus pas prendre les 25 000 francs de frais d'établissement, et qu'en sortant, je dédaignais d'escamoter les fonds secrets. Vous me parlez de ma fortune pour éviter de me parler de la vôtre. » « C'est vrai, dit le roi. Voici à mon tour ma confession. En mangeant mes capitaux par portions égales d'année en année, j'ai calculé qu'à l'âge où je suis, je pourrais vivre jusqu'à mon dernier jour sans avoir besoin de personne. Si je me trouvais dans la détresse, j'aimerais mieux avoir recours, comme vous me le proposez, à des Français qu'à des étrangers. On m'a offert d'ouvrir des emprunts, entre autres un de 30 millions, qui aurait été rempli en Hollande. Mais j'ai su que cet emprunt, coté aux principales bourses en Europe, ferait baisser les fonds français. Cela m'a empêché d'adopter ce projet. Rien de ce qui affecterait la fortune publique en France ne pouvait me convenir. Sentiment digne d'un roi. Dans cette conversation, on remarquera la générosité de caractère, la douceur des mœurs et le bon sens de Charles X. Pour un philosophe, c'eût été un spectacle curieux que celui du sujet et du roi s'interrogeant sur leur fortune et se faisant confidence mutuelle de leur misère au fond d'un château emprunté au souverain de Bohême. Prague, 25 et 26 mai 1833. Au sortir de cette conférence, j'assistai à la leçon d'équitation de Henri. Il monta deux chevaux, le premier sans étrier, en trottant à la longe, le second avec étrier, en exécutant des voltes, sans tenir la bride, une baguette passée entre son dos et ses bras. L'enfant est hardi et tout à fait élégant, avec son pantalon blanc, sa jaquette, sa petite fraise et sa casquette. Monsieur O'Gerty, le père, écuyer instructeur, criait « Qu'est-ce que c'est que cette jambe-là? Elle est comme un bâton. Laissez aller la jambe. Bien. Détestable. Qu'avez-vous donc aujourd'hui ?» Etc., etc. La leçon finie, le jeune page-roi s'arrête à cheval au milieu du manège, ôte brusquement sa casquette pour me saluer dans la tribune où j'étais avec le baron de Damas et quelques Français, saute à terre, léger et gracieux comme le petit Jehan de Saint-Tré. Henri est mince, agile, bien fait, il est blond, il a les yeux bleus, avec un trait dans l'œil gauche qui rappelle le regard de sa mère. Ses mouvements sont brusques, il vous aborde avec franchise. Il est curieux et questionneur, il n'a rien de cette pédanterie qu'on lui donne dans les journaux. C'est un vrai petit garçon comme tous les petits garçons de 12 ans. Je lui faisais compliment sur sa bonne mine à cheval. « Vous n'avez rien vu, me dit-il, il fallait me voir sur mon cheval noir. Il est méchant comme un diable. Il rue, il me jette à terre, je remonte, nous sautons la barrière. L'autre jour, il s'est cogné, il a la jambe grosse comme ça. N'est-ce pas que le dernier cheval que j'ai monté est joli, mais je n'étais pas en train. » Henri déteste à présent le baron de Damas, dont la mine, le caractère, les idées lui sont antipathiques. Il entre contre lui dans de fréquentes colères. À la suite de ses emportements, force est de mettre le prince en pénitence. On le condamne quelquefois à rester au lit, bête de châtiment. Survient un abbé Moligny, qui confesse le rebelle et tâche de lui faire peur du diable. L'obstiné n'écoute rien et refuse de manger. Alors madame la dauphine donne raison à Henri, qui mange et se moque du baron. L'éducation parcourt ce cercle vicieux. Ce qu'il faudrait à monsieur le duc de Bordeaux serait une main légère qui le conduisit sans lui faire sentir le frein, un gouverneur qui fût plutôt son ami que son maître. Si la famille de Saint-Louis était, comme celle des Stuarts, une espèce de famille particulière chassée par une révolution, confinée dans une île, la destinée des Bourbons serait en peu de temps étrangère aux générations nouvelles. Notre ancien pouvoir royal n'est pas cela. Il représente l'ancienne royauté. Le passé politique, moral et religieux des peuples est né de ce pouvoir et se groupe autour de lui. Le sort d'une race, aussi entrelacée à l'ordre social qui fut, aussi apparentée à l'ordre social qui sera, ne peut jamais être indifférent aux hommes. Mais toute destinée que cette race est à vivre, la condition des individus qui la forment et avec lesquels un sort ennemi n'aurait point fait trêve, serait déplorable. Dans un perpétuel malheur, ces individus marcheraient, oubliés sur une ligne parallèle, le long de la mémoire glorieuse de leur famille. Rien de plus triste que l'existence des rois tombés. Leurs jours ne sont qu'un tissu de réalités et de fictions. Demeurés souverains à leur foyer, parmi leurs gens et leurs souvenirs, ils n'ont pas plutôt franchi le seuil de leur maison qu'ils trouvent l'ironique vérité à leur porte. Jacques II ou Édouard VII, Charles X ou Louis XIX, à huis clos, deviennent, à huis ouverts, Jacques ou Édouard, Charles ou Louis, sans chiffres, comme les hommes de peine leurs voisins. Ils ont le double inconvénient de la vie de cour et de la vie privée. Les flatteurs, les favoris, les intrigues, les ambitions de l'une, les affronts, la détresse, le commérage de l'autre. C'est une mascarade continuelle de valets et de ministres changeant d'habits. L'humeur s'aigrit de cette situation, les espérances s'affaiblissent, les regrets s'augmentent, on rappelle le passé, on récrimine, on s'adresse des reproches d'autant plus amers que l'expression cesse d'être renfermée dans le bon goût d'une belle naissance et les convenances d'une fortune supérieure. On devient vulgaire par les souffrances vulgaires. Les soucis d'un trône perdu dégénèrent en tracasseries de ménage. Les papes Clément XIV et Pie VI ne purent jamais rétablir la paix dans la domesticité du prétendant. Ces aubains découronnés restent en surveillance au milieu du monde, repoussés des princes comme infectés d'adversité, suspects au peuple comme atteints de puissance. J'allais m'habiller. On m'avait prévenu que je pouvais garder, au dîner du roi, ma redingote et mes bottes. Mais le malheur est d'un trop haut rang pour en approcher avec familiarité. J'arrivais au château à 6h15. Le couvert était mis dans une des salles d'entrée. Je trouvais au salon le cardinal Latil. Je ne l'avais pas rencontré depuis qu'il avait été mon convive à Rome, au palais de l'ambassade, lors de la réunion du conclave, après la mort de Léon XII. Quel changement de destinée pour moi et pour le monde, entre ces deux dates. C'était toujours le prestolet à ventre rondelet, à nez pointu, à face pâle, tel que je l'avais vu en colère à la chambre des pairs, un couteau d'ivoire à la main. On assurait qu'il n'avait aucune influence et qu'on le nourrissait dans un coin en lui donnant des bourrades. Peut-être. Mais il y a du crédit de différentes sortes. Celui du cardinal n'en est pas moins certain, quoique caché. Il le tire, ce crédit, des longues années passées auprès du roi et du caractère de prêtre. L'abbé de Latil a été un confident intime. La remembrance de Madame de Polastron s'attache au surplis du confesseur. Le charme des dernières faiblesses humaines et la douceur des premiers sentiments religieux se prolongent en souvenir dans le cœur du vieux monarque. Successivement arrivèrent M. de Blacas, M. A. de Damas, frère du baron, M. O'Gerty, père, M. et Mme de Cossé. À 6 heures précises, le roi parut, suivi de son fils. On courut à table. Le roi me plaça à sa gauche. Il avait M. le Dauphin à sa droite. M. de Blacas s'assit en face du roi, entre le cardinal et Mme de Cossé. Les autres convives étaient distribués au hasard. Les enfants ne dînent avec leur grand-père que le dimanche. C'est se priver du seul bonheur qui reste dans l'exil, l'intimité et la vie de famille. Le dîner était maigre et assez mauvais. Le roi me vanta un poisson de la Moldao qui ne valait rien du tout. 4 ou 5 valets de chambre en noir rôdaient comme des frères laids dans le réfectoire. Point de maître d'hôtel, chacun prenait devant soi et offrait de son plat. Le roi mangeait bien, demandait et servait lui-même ce qu'on lui demandait. Il était de bonne humeur. La peur qu'il avait eue de moi était passée. La conversation roulait dans un cercle de lieux communs, sur le climat de la Bohême, sur la santé de Madame la Dauphine, sur mon voyage, sur les cérémonies de la Pentecôte qui devaient avoir lieu le lendemain, pas un mot de politique. Monsieur le Dauphin, le nez plongé dans son assiette, sortait quelquefois de son silence, et s'adressant au cardinal de Latil, « Prince de l'Église, l'évangile de ce matin était selon saint Matthieu ?»« Non, monseigneur, selon saint Marc. » « Comment, Saint-Marc ?» Grande dispute entre Saint-Marc et Saint-Matthieu, et le cardinal était battu. Le dîner a duré près d'une heure. Le roi s'est levé, nous l'avons suivi au salon. Les journaux étaient sur une table, chacun s'est assis, et l'on s'est mis à lire, ça et là, comme dans un café. Les enfants sont entrés, le duc de Bordeaux conduit par son gouverneur, mademoiselle par sa gouvernante. Ils ont couru embrasser leur grand-père, puis ils se sont précipités vers moi. Nous nous sommes nichés dans l'embrasure d'une fenêtre donnant sur la ville, ayant une vue superbe. J'ai renouvelé mes compliments sur la leçon d'équitation. Mademoiselle s'est hâtée de me redire ce que m'avait dit son frère, que je n'avais rien vu. Qu'on ne pouvait juger de rien quand le cheval noir était boiteux. Madame de Gontaut est venue s'asseoir auprès de nous. Monsieur de Damas, un peu plus loin, prêtant l'oreille, dans un état amusant d'inquiétude, comme si j'allais manger son pupille, lâchait quelques phrases à la louange de la liberté de la presse ou à la gloire de Madame la Duchesse de Berry. J'aurais ri des craintes que je lui donnais, si depuis Monsieur de Polignac, je pouvais rire d'un pauvre homme. Tout d'un coup, Henri me dit « Vous avez vu des serpents de vin ?»« Monseigneur veut parler des boas. Il n'y en a ni en Égypte, ni à Tunis. » Seul point de l'Afrique où j'ai abordé, mais j'ai vu beaucoup de serpents en Amérique. « Oh oui !» dit la princesse Louise. « Le serpent à sonnette, dans le génie du christianisme. » Je m'inclinai pour remercier mademoiselle. « Mais vous avez vu bien d'autres serpents ?» a repris Henri. « Sont-ils bien méchants ?»« Quelques-uns, monseigneur, sont fort dangereux, d'autres n'ont point de venin et on les fait danser. » Les deux enfants se sont rapprochés de moi avec joie, tenant leurs quatre beaux yeux brillants fixés sur les miens. Et puis il y a le serpent de verre, ai-je dit. Il est superbe et point malfaisant. Il a la transparence et la fragilité du verre, on le brise dès qu'on le touche. Les morceaux ne peuvent pas se rejoindre, a dit le prince. Mais non, mon frère, a répondu pour moi mademoiselle. Vous êtes allé à la cataracte de Niagara, a repris Henri. Ça fait un terrible ronflement. Peut-on la descendre en bateau? Monseigneur, un Américain s'est amusé à y précipiter une grande barque. Un autre Américain, dit-on, s'est jeté lui-même dans la cataracte. Il n'a pas péri la première fois, il a recommencé et s'est tué à la seconde expérience. Les deux enfants ont levé les mains et ont crié « Oh !» Madame de Gontaut a pris la parole. « Monsieur de Chateaubriand est allé en Égypte et à Jérusalem. » Mademoiselle a frappé des mains et s'est encore rapprochée de moi. « Monsieur de Chateaubriand, m'a-t-elle dit, comptez donc à mon frère les pyramides et le tombeau de notre Seigneur. » J'ai fait du mieux que j'ai pu un récit des pyramides, du Saint-Tombeau, du Jourdain, de la Terre Sainte. L'attention des enfants était merveilleuse. Mademoiselle prenait dans ses deux mains son joli visage, les coudes presque appuyés sur mes genoux, et Henri, perché sur un haut fauteuil, remuait ses jambes ballantes. Après cette belle conversation de serpents, de cataractes, de pyramides, de Saint-Tombeau, mademoiselle m'a dit « Voulez-vous me faire une question sur l'histoire ?»« Comment sur l'histoire ?»« Oui, questionnez-moi sur une année, l'année la plus obscure de toute l'histoire de France, excepté le XVIIe et le XVIIIe siècle que nous n'avons pas encore commencé. »« Oh, moi !» s'écria Henri, « j'aime mieux une année fameuse. Demandez-moi quelque chose sur une année fameuse. » Il était moins sûr de son affaire que sa sœur. Je commençai par obéir à la princesse et je dis « « Eh bien, mademoiselle veut-elle me dire ce qui se passait et qui régnait en France en 1001 ?» Voilà le frère et la sœur à chercher, Henri se prenant le toupet, mademoiselle ombrant son visage avec ses deux mains, façon qui lui est familière, comme si elle jouait à cache-cache. Puis elle découvre subitement sa mine jeune et gaie, sa bouche souriante, ses regards limpides. Elle dit la première, c'était Robert qui régnait, Grégoire V était pape. Basile III, empereur d'Orient. Et Othon III, empereur d'Occident, cria Henri, qui se hâtait pour ne pas rester derrière sa sœur. Il ajouta, Véremonde II en Espagne. Mademoiselle, lui coupant la parole, dit, Ethelred, en Angleterre. Non pas, dit son frère, c'était Edmond, Côte de Fer. Mademoiselle avait raison. Henri se trompait de quelques années en faveur de Côte de Fer qui l'avait charmé. Mais cela n'en était pas moins prodigieux. Et mon année fameuse ? Demanda Henri d'un ton demi-fâché. C'est juste, monseigneur, que se passait-il en l'an 1593 ? Bah ! S'écria le jeune prince, c'est l'abjuration d'Henri IV. Mademoiselle devint rouge de n'avoir pu répondre la première. 8 heures sonnèrent, la voix du baron de Damas coupa court à notre conversation, comme quand le marteau de l'horloge, en frappant 10 heures, suspendait les pas de mon père dans la grande salle de Combourg. Aimables enfants, le vieux croisé vous a conté les aventures de la Palestine, mais non au foyer du château de la Reine Blanche. Pour vous trouver, il est venu heurter avec son bâton de palmier et ses sandales poudreuses au seuil glacé de l'étranger. Blondel a chanté en vain au pied de la tour des ducs d'Autriche. Sa voix n'a pu vous rouvrir les chemins de la patrie. Jeune proscrit, le voyageur aux terres lointaines vous a caché une partie de son histoire. Il ne vous a pas dit que, poète et prophète, il a traîné dans les forêts de la Floride et sur les montagnes de la Judée autant de désespérance, de tristesse et de passion que vous avez d'espoir, de joie et d'innocence. Qu'il fut une journée où, comme Julien, il jeta son sang vers le ciel, sang dont le Dieu de miséricorde lui a conservé quelques gouttes pour acheter celles qu'il avait livrées au Dieu de malédiction. Le prince, emmené par son gouverneur, m'invita à sa leçon d'histoire, fixée au lundi suivant, 11 heures du matin. Madame de Gontaut se retira avec mademoiselle. Fin de la section 10.